Madame I Music, bonjour. Qui va là? C'est VG Dream de Gagnoua. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Mais dis-moi qui va là? C'est le couteau suisse VG Dream le plus bon, il va là. Mais dis-moi qui va là? Tu me crois pas, tu dis voilà. À 225% couché, tu fais le malin. Et j'te fais du sale, ta meuf j'la fais danser. T'es toujours dans le noir, tu regires le soleil. Mais ne m'en veux pas, si tu n'as pas d'osé. J'compte plus mes ennemis, j'en ai par centaines. Mais dis-moi qui va là, mais dis-moi qui va là. C'est l'homme qu'on appelle VG Dream le plus beau d'Ivana. Et nos catalans, ils disent moi que tu es arrogant. Je suis tellement devant, c'est pas de ma faute, ils sont là. Ils font semblant d'être contents pour moi, mais ils ne veulent pas me voir les dépasser. Si tu as confiance en moi, mets-toi de mon côté, parce que je le ferai. Du sale, je suis là pour la faire, du sale, et je le ferai. Du sale, je suis là pour la faire, du sale. Mais dis-moi qui va là, mais dis-moi qui va là. C'est l'homme qu'on appelle VG, VG Dream de Gagnoua. J'arrive bientôt au pays. Si tu as confiance en moi, mets-toi de mon côté, parce que je le ferai.